une histoire particulière. Voici le moment de nous retrouver et ce week-end d'aller explorer un nouveau lieu. Souvenez-vous, une histoire particulière vous propose une collection de lieux. Des lieux inconnus, inédits, surprenants, insolites, de quoi ravir vos oreilles. En ce week-end de la Toussaint, ce documentaire tombe à pic. Savez-vous où est le plus grand cimetière du monde ? Il est en Irak. Le cimetière islamique de Wadi al-Salam s'étend sur plus de 6 km carrés, c'est-à-dire 14 fois plus grand que le très célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris. Des millions d'âmes y reposent, réparties dans quelques 5 millions de tombes, un océan de pierres tombales. Alain Lefkovitch et Julie Béressy vous proposent l'histoire singulière d'un autre cimetière, beaucoup moins loin, beaucoup moins grand et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'âmes. Le 30 juillet 1944, après un arrêt forcé de plusieurs semaines, le 8e corps britannique attaqua les fortes positions allemandes au sud et à l'est de Caumont-l'Éventé. La 15e division écossaise que précédait le 4e bataillon de chars, des grenadiers Guards, équipés de tanks Churchill, lança l'attaque. Le lieutenant James Marshall Cornwall, avec le char de tête de son unité, pénétra dans le bois de Mondant et l'occupa, effectuant ainsi la première percée sur ce front. Il fut près de cet endroit, mortellement frappé d'une balle ennemie. Il a donné sa vie pour son pays et pour la libération de la France. 74 ans de solitude, le good lieutenant de Cahagnes, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch et de Julie Béressy. Monsieur le maire, monsieur les adjoints, monsieur le président des anciens combattants, chers amis, dans notre commune de Cahagnes, il y a des dates que je ne voudrais manquer à aucun prix. Et parmi ces dates, il y en a une qui est peut-être parmi les plus importantes. Ce dernier dimanche de juillet, pour les anciens, c'est toujours un jour rempli d'émotions. Depuis la fin de la guerre, en effet, c'est devant Dieu que le souvenir d'un homme, d'un militaire anglais, nous rassemble. Il s'agit donc, bien sûr, du lieutenant James Marshall Cornwall. À ce lieutenant anglais, nous associerons le souvenir. Comme chaque année, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Cahagnes, petite bourgade du Calvados de près de 1500 habitants, célèbre ses morts tombés pour la France, comme on dit laconiquement officiellement. 30 juillet 2018, la foule des grandes occasions occupe les bancs de l'église du village, car ce jour-là, c'est un mort bien particulier qui est à l'honneur, sanctifié par le père Potry, curé de la paroisse et ancien aumônier militaire. Il faut dire qu'il y a 74 ans, le village, situé le long de la départementale 54, à 40 km sud-ouest de Caen, fut le théâtre d'une histoire singulière. 30 juillet 44, à peine débarqué sur la plage normande de Gold, près d'Arromanches, le lieutenant britannique James Gerald Marshall Cornwall avance en tête de son unité de chars dans le bocage normand au premier jour de l'opération Blue Coat lancée par le général Montgomery. À 22 ans, il est déjà la fierté de son illustre père, le général Marshall Cornwall, et ne déroge pas à la tradition familiale, détermination, honneur et courage. Des valeurs qui ne suffiront pas à sauver la vie du jeune officier, fauché par une balle allemande, unique victime de cette journée de combat, tout juste 24 heures avant la libération du village. Depuis, il repose ici, lieu de son dernier combat, seul, dans ce qu'il est convenu d'appeler le plus petit cimetière du monde. Dans nos prières, nous penserons également à tous ces soldats morts sur nos terres. Un descendant de la famille du lieutenant me disait que le sacrifice de ce militaire était vraiment une chose extraordinaire. Voyez-vous, il n'a jamais revu son pays, mais sa famille a voulu qu'il reste parmi nous sur notre terre de Cahagnes. Nous allons maintenant participer de notre mieux à cette Eucharistie en prenant maintenant notre chant d'entrée. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. vienne la paix sur notre frère, la paix de Dieu dans nos maisons. Nos épées deviendront charrues de laboureur, nos lances deviendront des faux pour la moisson. Vienne la paix de Dieu. Jour J, les Alliés débarquent en France. Au cours de la plus grande opération amphibie jamais tentée, un bombardement naval prépare le terrain pour les soldats alliés qui vont prendre d'assaut les plages normandes et s'accrocher désespérément au continent européen. Cagnes était occupée, comme tous les autres villages du secteur d'ailleurs. L'armée britannique a envoyé plusieurs bataillons pour libérer Cagnes et libérer les villages des alentours. Marcel Bonneval, maire de Cagnes. Et au cours de la libération de Cagnes, le lieutenant Marshal Cornwall, qui était chef de char, avait pris un prisonnier allemand qui devait remettre à son unité d'appui. Et au moment d'arriver sur l'unité d'appui, il a été tué par les forces ennemies. Au bout de la ligne, du fin fond de son Écosse natale, Sir Hugh Willoughby, neveu de feu le lieutenant James Gerald Marshal Cornwall. My name is Hugh Willoughby and I am the son. Je m'appelle Hugh Willoughby et je suis le fils de Lady Middleton, qui était la sœur de James Marshal Cornwall. He joined the army in I think 1941. Je crois qu'il est entré dans l'armée en 1941 et a rejoint les rangs des Grenadier Guards. Et il était dans un bataillon de chars, le 4e bataillon de Grenadier Guards. Ils se sont entraînés en Angleterre jusqu'à la campagne de Normandie. Ils ont atterri juste après le jour J avec une division aéroportée. James Marshal Cornwall était un jeune officier. Il était lieutenant et commandait trois chars Churchill, des chars britanniques. Il avait réussi à faire une avancée considérable et il est mort deux ou trois semaines après son atterrissage en Normandie. Landung in der Normandie, war nur ein Täuschungsmanöver. Die Invasion wird sich bei Calais abspielen, und zwar unter Patton. Ce jeune lieutenant va mourir dans un char et j'ai envie de dire que c'est malheureusement relativement courant. Olivier Viviorca, historien, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En général dans la campagne de Normandie et en particulier dans cette opération. Alors, on a un peu l'image, nous, avec le soldat Ryan, d'un débarquement absolument apocalyptique. Et il est vrai que les premières vagues, la première vague de débarquement, a été extrêmement meurtrière. Mais en gros, quand on regarde le pourcentage des pertes, c'est pas un pourcentage énorme. Le jour J, le 6 juin 1944, les pertes sont relativement légères, autour de 10 000 hommes. Ce qui est relativement peu pour une opération de cette ambition. En revanche, la suite des opérations, donc ce qu'on appelle la bataille de Normandie, a été une bataille beaucoup plus meurtrière et beaucoup plus terrible. Et cette bataille de Normandie va poser aux Britanniques des problèmes absolument majeurs. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni est un petit pays. Et ce petit pays n'a pas beaucoup d'habitants. Et donc, comme il n'a pas beaucoup d'habitants, il n'a pas une grande armée. L'armée britannique, c'est grosso modo 4,5 millions d'hommes contre 7-8 millions d'hommes pour l'armée rouge, contre plus de 10 millions d'hommes pour les Américains. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'hommes. Ce que font donc les Britanniques, c'est pour éviter de sacrifier leurs fantassins, qui morflent énormément pendant la campagne de Normandie, mais ils s'appuient d'abord et avant tout sur les chars. Or, les chars dans le terrain normand, eh bien, sont relativement mal adaptés, tout simplement parce que en Normandie, vous avez du bocage, c'est-à-dire cette formation géographique où on a des champs entourés de haies. Et qu'est-ce que les Allemands mettent derrière les haies ? Ils mettent des snipers, ils mettent des hommes avec des bazookas. Donc les chars progressent difficilement dans le bocage et les Allemands peuvent faire des ravages. Mais d'autre part, les Britanniques ont des officiers qui aiment montrer l'exemple pour donner du mordant à leurs troupes. Et donc très souvent, ils sont en tête des opérations. Et bien évidemment, ils offrent une cible de choix aux adversaires allemands. And he shot up a wood. Il a été tué dans un endroit qui s'appelle le bois de Mondant. Un groupe d'Allemands s'était rendu. D'après ce que nous savons, il était seul et avait sorti la tête de son char pour donner des ordres aux Allemands qui s'étaient rendus. Malheureusement, un des Allemands était encore en embuscade. Il lui a tiré une balle et James est mort. Son bataillon était venu en support à une division de l'infanterie écossaise dans le cadre d'une opération qui s'appelle Blue Coat. Oui, donc il faut peut-être se replacer dans le contexte de l'époque. Les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin 1944 et leur idée, c'est que, au fond, le gros de l'offensive terrestre va se faire sur Caen. Parce que Caen est un nœud de communication et que Caen ouvre sur une plaine. Et la plaine est importante pour deux raisons majeures. Première raison, pour déployer les blindés, parce qu'une division blindée prend beaucoup de place, donc une plaine est tout indiquée. Et d'autre part, parce que les aviateurs ont besoin de bases provisoires, donc sur du terrain plat. Or, cette prise de Caen, qui est logiquement confiée à Montgomery, qui est le numéro 2 dans l'organigramme du débarquement, qui est en gros le patron des groupes terrestres, eh bien, cette prise de Caen n'arrive pas. Montgomery a beau s'échiner, il n'arrive pas à prendre Caen. Je savais que Montgomery était incapable de prendre Caen à la date prévue. Et je l'avais dit, il ne pourra pas s'en sortir. Il est coincé dans le bocage normand. En général, votre mission en Europe est considérée comme prioritaire. Le général Bradley ne vous aurait pas fait venir s'il n'avait pas une petite idée. Et donc, du coup, les Américains, qui commencent un peu à être énervés par Montgomery, qui n'est pas très bon sur le terrain et qui, en plus, est super arrogant, décident de changer leur fusil d'épaule et d'attaquer à un endroit qui n'était pas prévu, à savoir dans le Cotentin. Le 25 juillet, une opération intitulée Cobra va donc se déclencher sur, quand on regarde la carte, sur le secteur ouest, qui est donc un secteur américain. Et pour favoriser cette offensive, les Britanniques de la 2e armée lancent une offensive complémentaire qui est l'offensive Blue Coat, qui vise pour aller vite à sécuriser le flanc est de l'armée américaine à qui incombe, je le répète, l'essentiel de la percée. Voilà l'origine de l'opération Blue Coat qui démarre donc le 30 juillet 1944. L'idée donc, c'est qu'en attaquant sur le flanc de l'offensive américaine, on va attirer des forces allemandes et que ces forces allemandes qui combattront contre les Britanniques ne combattront pas contre les Américains. Je ne sais pas pourquoi on se traîne comme des limaces dans ce pays. Depuis qu'on est arrivé ici, on n'avance pas. On ne peut tout de même pas rester planté là pendant un siècle. Je voudrais utiliser cette route de Saint-Lô à Perrier. Là. Montgomery empêchera les Allemands de sortir de Caen. On va pilonner un couloir de 6 km de large sous un bombardement intensif. Et après, nous ferons descendre 7 divisions. Et la 3e armée pourra effectuer de cette façon un mouvement tournant à travers toute la France. Dans l'armée britannique, une très grande tradition aristocratique. Cette tradition aristocratique, elle a été très vivante encore au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En fait, très souvent, lorsqu'on est officier, on est officier parce qu'on vient d'une bonne famille et qu'on a fait de bonnes études. À l'Académie militaire de Sandhurst, qui est le Saint-Cyr britannique, vous avez 84% des officiers qui, en 1939, viennent des public schools, c'est-à-dire d'écoles comme leur nom ne l'indique pas, qui sont privées, sélectives et très chères. Donc on a cette tradition aristocratique à telle enseigne que lorsque le corps des officiers va s'ouvrir, tout simplement parce qu'il va falloir plus d'officiers pour encadrer plus de soldats, eh bien au départ, le recrutement se fait par des questions. Chassez-vous? Quel type de gibier chassez-vous? D'après ce que j'ai entendu, il était extrêmement respecté. Il était de nature très généreuse et bienveillante. À sa mort, de nombreux amis sont venus lui rendre un dernier hommage. Moi, je suis né 7 ans après sa mort et par conséquent, je ne l'ai pas connu. Mais ce que je peux dire, c'est que tous ceux qui l'ont connu en gardent un très bon souvenir. Memories of him. Son père, le général Marshall Cornwall, a décidé qu'il serait inhumé à l'endroit où il était tombé. Donc il a fait quelques tractations avec le propriétaire du terrain de l'époque, qui était d'accord pour lui vendre la petite parcelle où le lieutenant est enterré aujourd'hui. la famille de Saint-Louvent. C'est une famille qui était... Monsieur de Saint-Louvent était maire de Beuvron-en-Auge et il était propriétaire d'une ferme sur Cagne. La ferme qui est juste en face du monument, d'ailleurs. Et c'est lui qui a vendu cette petite parcelle où est inhumé le lieutenant-marshal Cornwall. Département du Calvados, mairie de Cahagne. Monsieur le superintendant, en réponse à votre lettre du 4 mai 1953, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, par acte passé devant Maître Le Boucher, notaire à Cahagne, le 6 décembre 1945, Monsieur Georges-Marie-Louis Formet de Saint-Louvent, propriétaire à Cahagne, et Madame Amélie-Marie-Charlotte Fleury, son épouse, ont vendu à Monsieur James Marshall Cornwall, demeurant à Londres, une parcelle de terre, sise à Mondan, commune de Cahagne, nommée le Petit Champ, cadastrée sous le numéro 429, pour une contenance de 9 ars 90 centiards. Dans cette parcelle repose le corps de Monsieur James Gerald Marshall Cornwall, du 4e bataillon Grenadier Guards, tombé au champ d'honneur dans le bois de Mondan le 30 juillet 1944. Oui, effectivement, on enterre les soldats britanniques à l'endroit où ils sont tombés. Et donc tout ce qui est la politique française, qui est une politique de rapatriement des corps, aux frais de l'État, il faut le souligner, eh bien, n'est pas nécessairement utilisé par les Britanniques dans leur gestion des morts, ce qui explique qu'il y ait autant de cimetières militaires britanniques, mais également américains, en France ou dans l'Europe qui a eu à subir la Seconde Guerre mondiale. Vous avez toute une gestion des morts qui est compliquée. Les morts posent un problème, je dirais, sanitaire. Il faut enterrer relativement vite, éviter que les épidémies se propagent. Alors effectivement, le temps a été assez pourri en Normandie, pendant la campagne de Normandie, mais ensuite le beau temps revient et les cadavres en putréfaction sont extrêmement nombreux. Donc on essaye d'enterrer assez rapidement, en donnant d'ailleurs très souvent des sépultures provisoires qui se transformeront ensuite en sépultures définitives, sachant que ce sont en règle générale les pays eux-mêmes qui organisent ce culte des morts, qui organisent eux-mêmes ces cérémonies, gèrent les cimetières, puisque les cimetières, en règle générale, bénéficient d'une forme d'extraterritorialité. Donc ensuite, un mausolée a été construit et le général Marshall Cornwall a fait don de l'ensemble à la commune de Cahagne avec une somme de 10 000 francs à l'époque pour l'entretien perpétuel de cet emplacement. Quand, le 6 mai 1946, préfecture du Calvados, 2e division, 3e bureau. Le préfet du Calvados à monsieur le maire de Cahagne. J'ai l'honneur de vous retourner, revêtu de mon visa, la délibération du 18 avril 1946, par laquelle le conseil municipal de Cahagne a accepté définitivement la donation qui lui a été faite à charge d'entretien à perpétuité de la sépulture de son fils par le Sir James Marshall Cornwall, général en retraite de l'armée britannique demeurant à Londres. Cette délibération étant exécutoire par elle-même, dans cette terre de Normandie, nous avons énormément, vous le savez, de cimetières et nous avons à cœur de nous recueillir devant ces morts. Nous allons nous rendre maintenant donc au Mondan, comme c'est la tradition, sur le lieu de cette commémoration. Et nous allons nous rendre donc en procession. Après ce chant, vienne la colombe. Alors, merci à tous. Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. On est toujours à Cagne, on est à 200 mètres de la limite de Caumont-l'Éventé. Cette bataille, elle a eu lieu ici même et le lieutenant Marshall Cornwall, il est tombé là où il est inhumé. Donc c'est cette petite parcelle de terre qui a été vendue par la famille Saint-Louvent et le bois qui est derrière qui a été donné par la famille du Jardin. Alors, ici, c'est bien la tombe du lieutenant James Gerald Marshall Cornwall. Vous avez le mémorial avec la tombe. Vous avez les chaînes qui représentent les cimetières anglais, qui sont le signe distinctif des cimetières anglais. La forme avec des petites pointes que vous voyez entre deux et une couleur vert forêt, vert très foncé. Et il y a énormément de touristes anglais qui s'arrêtent ici parce qu'ils savent que cette tombe-là existe. Et il y a énormément de monde qui s'arrête, même des Français d'ailleurs, même des touristes. Et donc il y a le drapeau britannique, le drapeau français, le drapeau européen. Le drapeau européen, oui. Oui, les trois drapeaux. Et c'est alors ce site que vous voyez là est entretenu toute l'année. Par la municipalité. Par la municipalité. C'est un engagement que nous avons, un engagement moral à partir du moment où on l'a promis au général. Êtes-vous prêt, monsieur le maire ? Vous êtes prêt ? On est prêt. Mesdames, messieurs, merci à vous tous de votre fidélité à notre pèlerinage annuel sur la tombe du lieutenant Marshall Cornwall. C'est votre contribution à notre devoir de mémoire et l'anniversaire de la libération de notre village. Cette année, la famille du lieutenant n'a pas pu se joindre à nous, mais elle m'a indiqué qu'elle serait présente en 2019. Nous aurons une pensée pour elle. Le 30 juillet 1944, Cahagne était libéré, même s'il restait ça et là des poches de résistance. Pour les habitants, le débarquement était un immense espoir de retrouver leur liberté. Les combats faisaient rage dans notre secteur et l'armée britannique, représentée par plusieurs régiments, luttait pour nous libérer de l'envahisseur. Ce 30 juillet, le lieutenant Marshall Cornwall, jeune officier du 4e bataillon de chars, tombait sous les balles ennemies en effectuant une percée avec son char de tête dans ce bois de Mondant. Sa famille a souhaité qu'il soit inhumé à l'endroit où il avait perdu la vie. Notre reconnaissance ira à tous ceux qui sont morts pour la patrie et la liberté, à ceux des combats de 1940, à ceux des combats de la France libre, à ceux de la résistance comme à ceux des camps de déportation et de concentration, à ceux qui sont morts sur le front, dans les prisons, aux torturés et aux fusillés, à ceux qui ont souffert pour que notre pays se redresse, retrouve son indépendance et sa dignité. À tous, honneur et respect au nom de la France éternelle. Sachons au nom de la force de mémoire bâtir un avenir digne de notre histoire et des luttes qui ont redonné sa fierté à notre nation. Merci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Vous êtes tous invités au pot de l'amitié à la salle Edine. A tout à l'heure. Thérèse, on prend du cassis. Alors Jean-Claude Dujardin, attendez, je vais m'asseoir à côté de vous. Alors dites-moi Jean-Claude, ce champ où se situe aujourd'hui la sépulture du jeune lieutenant, ça appartenait à votre famille ? Le petit coin d'herbe, non. Ça appartenait à la famille de Louvain. Le bois, le petit bois qui est en bois aujourd'hui, ça appartenait à mes parents. Et alors mes parents, quand ils ont décidé ça, ils ont dit, il a donné sa vie pour la France, on va quand même pas lui vendre le bois. Quoi. Donc mes parents ont fait don du petit coin de bois. Quoi. L'histoire est simple, c'est tout simplement ça. Quoi. Puis moi j'étais jeune à l'époque, je me souviens très bien, les Anglais étaient sur la butte à Caumont, et nous on était tout autour, j'habitais à 1,5 km là, du bois là, à peu près. Là. J'étais pendant un mois sous le feu des Anglais et des Allemands, quoi. Mais nous, on était en ligne allemande. On a été expulsés au début de juillet. Tous les civils ont fallu quitter la zone militarisée. Et on était même réfugiés les derniers jours dans le château d'Aubigny. Et alors, vous êtes fier que vos parents aient donné ce bois à cette famille ? Oui, j'en suis content. On en est heureux, quoi. Même mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde est fier. C'est naturel, quoi. On n'a pas en tiré une fierté, quoi. On est heureux, c'est tout. Et c'est votre fille, la dame, là-bas ? Oui, c'est ma fille, oui. C'est une de mes filles, hein. Et puis j'en ai une autre qui est, je sais pas où, là. Donc c'est les parents de votre père, donc vos arrière-grands-parents, je crois, ont donné ce petit bois. Oui, c'était un bel acte et je pense que mon grand-père était quelqu'un de très généreux et c'était quelque chose qui était important, il y avait une certaine fierté. Et je pense aussi que lui, c'était sa façon de... il n'avait pas le choix, il était prisonnier. Et ça a été un moyen sans doute pour lui de dire, voilà, j'étais pas là, mais je suis là quand même ces gens-là, moi j'ai été me battre ailleurs, j'étais prisonnier, il s'en est bien sorti. Et malheureusement, parce que comme moi j'ai vu encore tout à l'heure, 22 ans mort pour la France, pour un autre pays, c'est quand même dur. Et moi j'ai le souvenir des Anglais, quand j'étais enfant, les Anglais d'Orsosken, c'était une fête. Moi, j'étais petite, mais c'était une fête. Et même à Paris, j'ai un souvenir. J'ai une boîte à thé qui avait été offerte à mes grands-parents que j'ai voulu garder en souvenir un petit peu de ça. Et quand papa nous a demandé de venir, je dis oui, c'est une bonne idée. Mon grand-père et mon oncle, ils ont été témoins de l'enterrement, si je puis dire. Oui, c'est ça. Ouais, l'enterrement. Et je crois que ça a été très, très émouvant. Parce que le père, le général, donc il a enterré son fils. Il était enveloppé dans une toile de parachute et il est descendu dans la tombe. Et il a vraiment reposé au fond du trou, si je puis dire. Et je me souviens, alors moi par contre j'ai été témoin de réception des Anglais. Parce que mon grand-père a été maire pendant une certaine époque. Et donc nous, enfants, on allait aux réceptions, quoi, et on accueillait le général, qui était d'ailleurs très très gentil. C'était quelqu'un de grand, quoi, et puis de très anglais, très courtois, très. Ouais. Puis c'est vrai que. Il y avait une notion de respect, moi je me souviens, ma grand-mère, quand les Anglais arrivaient, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel de respect. Ouais. Seule chose que je regrette, c'est qu'au niveau, parce qu'ils ont baptisé les rues de Cahagnes, ils n'ont pas mis boulevard des Anglais, par exemple, en mémoire, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'Anglais de tués. Hein. Puis il y avait le côté aussi, les Anglais, ils venaient de loin, on ne savait pas trop d'où, ils ne parlaient pas la même langue que nous. C'était vraiment c'était un événement. C'est sans doute les premières fois où j'ai entendu une langue étrangère, d'ailleurs. Ici, en Normandie, c'était pas à l'époque, il y a 50 ans, il y a quand même beaucoup moins d'échanges et tout ça. Et ça a été sans doute pour moi la première relation avec la langue étrangère. C'est assez étonnant parce que c'est le plus petit cimetière du monde. Alors ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas, je l'ai appris hier soir quand papa nous a dit, il y a un truc demain à la tombe de l'anglais, puisqu'on appelle ça la tombe de l'anglais. Et donc il nous a dit, c'est le plus petit cimetière. Alors, comment ça se fait qu'une tombe, c'est un cimetière? Et là, monsieur le maire vient de m'expliquer ce que c'était qu'un cimetière, effectivement, à partir du moment où il est cadré, bordé, que c'est pas une tombe au milieu de nulle part, qu'il y a un environnement, c'est un cimetière. Merci à Hugh Willoughby, à Olivier Viviorca, Marcel Bonneval, Jean-Claude Dujardin, Claire Dujardin, Georges Lévesque, au père Potry, aux habitants de Cahagnes et à l'association locale des anciens combattants. 74 ans de solitude, le goût de lieutenant de Cahagnes, réalisation Julie Bérécy, mixage Philippe Thibault, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.